J'ai un ami qui est musulman, qui est bon comme le pain et même 10 fois plus gentil que moi.